il s'occuperait de ta gueule vite fait, bien fait, tu vois. Voilà. Donc, vivement la guerre civile. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui a... On entend entre-temps des prises de parole de ces policiers racistes. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part. L'injustice est trop. Trop, c'est trop, on en a marre. Qu'est-ce qu'elle a ma couleur de peau? Qu'est-ce qu'elle a ma couleur de peau? En quoi elle vous dérange? En quoi elle vous dérange ma couleur? Depuis longtemps trop méprisée, trop insultée, trop tuée. On en a marre. Il faut que ça cesse. Le changement c'est maintenant et c'est avec vous. Tous ensemble, nous devons prôner le changement, sinon rien ne pourra changer. Je suis désolée qu'il y ait moins de monde aujourd'hui à Rouen qu'à Paris. C'est pas normal. Tout le monde doit être indigné de ce qu'on subit tous les jours. Nous sommes noirs et fiers. On ne changera pas pour vous. On ne changera pas. Nous resterons et nous serons là. La police, vous êtes là pour nous surveiller. Vous êtes là pour notre sécurité. Je ne comprends pas. Quel est le problème de vous, policiers? Quel est le problème? Pourquoi vous n'interpellez pas les gens correctement? Pourquoi les tuer? Pourquoi les mépriser? Vous êtes esclaves de la haine. Vous êtes esclaves de la haine. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. À tous les George Floyd. À tous les George Floyd. À tous les George Floyd. À tous les George Floyd. Vous savez quoi? Je n'ai pas envie de l'appeler George Floyd. J'ai envie de l'appeler Kunta Kinte. Kunta Kinte. À tous les Adama Traoré. À tous les Adama Traoré. Je n'ai pas envie de l'appeler Adama Traoré. J'ai envie de l'appeler Kunta Kinte. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. À se demander si les policiers ne sont pas issus du Ku Klux Klan. L'esclavage a été aboli. Nous sommes libres. Je suis une mère et vous tuez mes enfants. C'est mes enfants que vous tuez. Vous tuez mes enfants. Je suis la terre de l'Afrique et vous tuez mes enfants. Il y en a marre. Aujourd'hui, c'est le changement. Et on n'arrêterait pas, on ne va pas arrêter tant que vous ne changez pas. Le changement, vous êtes obligés de changer. On va vous obliger à changer. Voilà, merci. George Floyd! George Floyd! Dans nos banlieues, pour notre couleur de peau. Je voudrais aussi adresser un mot à Assa Traoré et à toutes les sœurs qui se battent pour notre justice, à toutes les sœurs qui se battent pour que la police arrête de tuer nos frères. qu'ils arrêtent de nous tuer nous-mêmes. Un grand prix pour elles. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que les policiers soient condamnés pour toutes les bavures. C'est pas ce qu'ils nous ont fait. On ne s'arrêterait pas, ni aujourd'hui, ni demain, jusqu'à ce que justice soit faite pour tout le monde. Justice!